L'actualité à Nancy et ailleurs. Après Verdun en 2016, c'est Bataville qui accueille les Journées européennes des métiers d'art les 1er et 2 avril sur le territoire du parc naturel régional de Lorraine. Marion Colnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission pour le parc. Pourquoi ce lieu de l'ancienne usine Bata ? Parce que l'ancienne usine Bata, donc, qui était dédiée, comme vous le savez, à la fabrication des chaussures du même nom, a fermé ses portes maintenant il y a une dizaine d'années. Et qu'aujourd'hui, donc, il y a un projet qui concerne un petit peu la requalification, la redynamisation de ce site et qui porte notamment ce projet sur la thématique des métiers d'art et des savoir-faire. Donc, c'est pour cette raison qu'on a souhaité organiser les Journées européennes des métiers d'art à Bataville. Donc, c'est une ancienne usine, mais ce n'était pas qu'une usine, c'était une petite ville. C'était une petite ville, exactement. Donc, c'était effectivement une partie d'usine de production de chaussures. À côté de ça, on trouve encore la partie cité, donc où étaient logés les ouvriers. Mais vous aviez également une ferme de production pour produire une partie de l'alimentation des personnes qui travaillaient là-bas, des équipements sportifs. Enfin, c'était vraiment un mini-système organisé autour de l'usine où les gens travaillaient, vivaient et y pratiquaient leurs loisirs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir lors de ces deux journées européennes des métiers d'art ? Alors, cette année, donc, on a un programme qui est dense. Donc, il y aura effectivement plusieurs choses à découvrir pour le public. D'une part, une exposition de pièces qui a été réalisée en partenariat avec une designer installée à Nancy, donc qui s'appelle Céline Lhuillier, et qui a accompagné des artisans du parc à intégrer dans leur métier toutes les nouvelles techniques, enfin toutes les pratiques nouvelles autour du numérique, etc., pour créer une collection de pièces nouvelles qui sera donc à découvrir à Bataville. En parallèle, donc, il y aura un certain nombre d'artisans qui seront présents sur le site pour présenter leur travail, leur savoir-faire à travers des démonstrations. Donc vous aurez aussi bien des démonstrations de taille de verre, que des démonstrations de création de vitraux ou encore de céramique. Donc une programmation assez dense. En parallèle également, on a cette année organisé un travail avec des enfants de Bataville, des écoles de Bataville, qui ont travaillé, donc ça fait plusieurs semaines qu'ils sont là-dessus, et ils ont conçu une exposition de petites chaussures pour faire un lien avec le passé de Bataville. Donc une petite collection de chaussures en céramique, donc qui sera également à découvrir, donc 40 petits souliers qui auront été façonnés par l'école élémentaire de Mousset, ainsi que des élèves du collège. Accompagnés par une céramiste, c'est ça ? Absolument. Une céramiste également installée à proximité de Bataville, donc dans une commune mosellane qui s'appelle Avricourt, et qui a donc accompagné ses enfants en classe, vraiment sur une démarche d'initiation aux techniques, aux outils du métier du potier, hein, finalement. C'était une première pour le parc, donc on va voir le résultat le week-end prochain, du coup. Et justement, pour le parc, ça représente quoi, un tel événement sur son territoire ? Pour nous, c'est vraiment une occasion déjà de mettre en valeur le site de Bataville. C'est d'ailleurs un événement qu'on organise en partenariat avec l'association La Chaussure Bataville, donc qui investit sur le site depuis des années pour faire connaître le patrimoine très riche des bâtiments, parce que je vous ai pas précisé que pour certains, les bâtiments étaient inscrits au monument historique patrimoine du XXe siècle. On est vraiment sur quelque chose de très particulier avec une architecture industrielle des années 30, remarquable. Donc pour nous, organiser un événement sur un site comme ça, ça permet aussi de le mettre en lumière. D'accord, donc ce sera l'occasion de redécouvrir ce lieu pour certains qu'ils ne connaissent peut-être pas. Pourtant, absolument, ça fait partie de l'histoire de la Lorraine. Des ateliers, des artisans qui présenteront leur savoir-faire, des expositions. Il y aura aussi des parcours de randonnée autour de Bataville. Absolument. Oui, l'idée, c'était vraiment de pouvoir permettre aux visiteurs de prendre le temps de découvrir le site. Donc, en plus du volet métier d'art, hein, qui est quand même l'objectif de ces journées, on a souhaité également pouvoir proposer au public différents circuits de randonnée dans la cité de Bataville, mais également aux alentours. Donc vous aurez la possibilité aussi bien de découvrir Bataville avec un circuit qui cheminera sur le site avec des anciens salariés du coup qui vont présenter vraiment ce qui s'y passait autrefois quoi. Et puis vous aurez aussi deux circuits de randonnée autour de Bataville, l'un autour d'un petit étang qui est à côté. Mmh. Et l'autre autour de la grande écluse de Réchicourt, donc qui est une grande écluse impressionnante par sa taille, qui fait 15,70 m de haut, et du coup, où il y aura aussi un circuit commenté, accompagné pour les visiteurs. Voilà, deux journées donc pour faire plein de découvertes, que ce soit au niveau artisanal, mais aussi au niveau plein air, découverte et redécouverte de ce lieu. Où est-ce qu'on peut retrouver les infos pratiques concernant ces deux journées? Alors, vous avez deux sites pour retrouver toutes ces informations. D'une part, le site internet du Parc naturel régional de Lorraine, donc www.pnr-lorraine.com, mais également sur le site donc des Journées européennes des métiers d'art, donc qui recense à l'échelle de l'Europe toutes les initiatives et événements qui se déroulent. Donc le site, c'est www.journeesdesmetiersd'art tout accroché.eu, sur lequel vous retrouverez précisément tout le programme, toute la programmation. Merci à Marion Colnet, chargée de mission pour le Parc naturel régional de Lorraine. Les Journées européennes des métiers d'art à Bataville, c'est les 1er et 2 avril de 10h à 18h. L'entrée est libre. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.